Deuxième partie, la famille des objets. Nous sommes dans le bureau de la commissaire divisionnaire. Amanda Daret est au téléphone avec sa cousine, la juge criée Alain Justine. L'inspecteur Lenaz est assis face à elle. Il se sent oublié, mais ne veut pas trop le montrer. Sage comme une image! Eh bien écoute Alain Justine, ça me fait plaisir. J'avais peur qu'il te rende la vie impossible. Ici, il fait ses griffes partout. Il monte au rideau, il mange les plantes pour se faire vomir sur la moquette. Oui, effectivement. On aurait parfois envie de l'empailler. Sinon, je t'appelais parce que mes vacances sont terminées. Oui, superbe. Je suis de retour à la maison. Mon petit chat me manque beaucoup. Et je voulais savoir quand je pouvais venir le reprendre. Allô ? Alain Justine ? Zut, coupé. La commissaire semble soudain se souvenir de la présence de l'inspecteur. Oui, donc ce que vous disiez était très intéressant. C'était quoi déjà ? Il faut intervenir, il faut les prendre de vitesse. Qui ? Ah oui, les objets. Et vous ne trouvez pas que c'est inquiétant ? Très inquiétant. C'est de votre santé mentale que je parle. Vous n'avez pas pensé à consulter ? D'accord, vous me prenez pour un fou. Vous pensez que des objets ne peuvent pas fomenter une révolte contre l'humanité? Une révolte? Vous voulez dire une révolution? Oui, une révolution. Ils veulent prendre le pouvoir. Le pouvoir? D'accord, d'accord. Écoutez, je suis désolée, inspecteur Lenaz, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il y va de l'image de nos services. Vous êtes dangereux. Je suis obligée de vous signaler à l'IGPN. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Je vois dans votre dossier qu'il y a eu d'autres dérapages qui ont même fait l'objet de deux pièces de théâtre. Jouées à Saint-Gobain, l'affaire du loup de Saint-Gris en 2010 et Fil d'enfer en 2012. Eh bien, ça fait un dérapage de plus. Et celui-là, je doute qu'il se termine sur une scène. À mon avis, ce sera plutôt dans un lieu confiné, du genre psychiatrique. Si vous voyez ce que je veux dire, je sais, je suis dure, mais quand même, c'est assez grave, quoi. Elle tente de prendre le téléphone. Ah oui, c'est vrai, en panne. Elle se tourne vers son ordinateur. Il vient de commencer une série de mises à jour. Ok, d'accord. En panne, lui aussi, pas du tout. Simplement, il faut lui laisser le temps d'installer ses mises à jour. Combien ? 28. 28 ! Mais j'ai dû mal lire. Allez, 128. Je suis partie en vacances, alors forcément... Elle veut appeler sa secrétaire. L'interphone est en panne. Elle commence à s'énerver. C'est pas vrai ! Elle appelle vers la pièce d'à côté. L'inspecteur et la commissaire courent à la fenêtre pour découvrir, en bas de l'immeuble, un spectacle horrible. Je crois qu'elle a fini par l'avoir sur son tiroir. Mais c'est horrible! C'est lui qui l'a eu! Vous auriez raison. Mais enfin, comment faire? On ne peut pas intervenir sur tous les objets. Mais on peut intervenir sur quelques-uns. Et comme c'est une seule famille, les autres seront touchés. Une famille ? Mais laquelle ? Oh, peu importe son nom, machin, truc. Ce sont toujours les mêmes qui se reproduisent partout à des millions d'exemplaires. Et ils sont là, autour de nous. Vous les entendez ? Non. C'est vrai, vous n'êtes pas comme moi. Mais je ne demande qu'à apprendre. Eh bien, c'est simple. L'humilité. L'humilité ? Oui, l'humilité extrême. Au point d'en oublier votre humanité et de ne plus être que matière. Une humilité qui confine à l'absence de votre moi. Vous croyez que je peux ? Ça a l'air difficile. Je ne suis pas sûre que... Alors qu'elle parle, des personnages apparaissent aux quatre coins de la pièce. Ce ne sont pas tout à fait des humains, ce ne sont pas tout à fait des objets. Ce sont des objets qui ont pris forme humaine. Ils sont six. Smarty, le smartphone. Tabula, la tablette. Mesurette, la balance. Mamie Zapette, la télévision. Toto, le marteau. Et Bouboule, le boulier. Ah, je les vois. Vous les voyez, mais est-ce que vous les entendez ? Non. Vous devez vous absenter de votre moi, de votre humanité. Il faut s'absenter, s'absenter. Tout en répétant ce mot, il entraîne la commissaire vers la coulisse. L'un des personnages objets, Smarty, s'apprête à parler. Mais la commissaire revient. C'est incroyable ! On dirait presque des humains ! Non, faut pas exagérer. Disons des êtres doués de pensée. Enfin, d'une pensée sommaire. Mais c'est fou ! Je ne les reconnais plus en tant qu'objets. Il y avait un ordinateur, une balance de la justice qui décorait un bureau, un boulier accroché au mur. Et maintenant, je m'y perds. Eh bien, faisons les présentations. Ce personnage, avec son air idiot et sa tête de brute, c'est le marteau que le plombier avait oublié l'année dernière, Toto le marteau. Celle-là, avec son air faucheton, c'est votre balance, Mesurette la balance. Le boulier, il est là, Bouboule, légèrement gâteux, mais c'est encore le plus sage de tous. Le petit morveux, c'est Smarty, le smartphone. Et à côté, sa petite sœur, Tabula, la tablette, qui ne pense qu'à jouer. Et puis celle-là, avec ses yeux grands ouverts sur la misère du monde, mais bien à l'abri derrière l'écran de ses lunettes, vous devez la reconnaître. La télé. Eux l'appellent Mamie Zapette, c'est leur grand-mère. Vous entendez ? Speedette, la voiture, c'est leur maman qui fait la conversation dans la rue. Je crois deviner avec qui, sans doute le père. Attention, le voilà ! Entrée d'un nouveau personnage objet, qui semble avoir un ascendant sur ses congénères, car tous les autres se pressent autour de lui pour le saluer. L'ordinateur ! Mais dans le milieu, on l'appelle Tutter l'intello. C'est vraiment un vicelard. C'est lui le chef. À mon avis, ils vont se dire des choses. Si on veut les entendre, il faut se replier. Il faut s'absenter, s'absenter. L'inspecteur Lenaz et Amanda Daré ressortent, poursuivis par la voix de Tutter. Vicelard ! Merci pour le compliment. Et celle de Smarty. Machin, truc, peu importe le nom de la famille, il a oublié Bidule. Et bazar ! Ajoute Mamie Zapette. Et Trucmuche. Renchérit Mesurette. Et l'engin ! Grogne Toto. Et Bouboule de préciser. Sans compter les insultes plus directes comme saloperie. Mais c'est Smarty. Ou pourriture de saloperie. Et Tabula. De bazar. Qui termine sa phrase. Toto se tourne vers Tabula. Ah, toi tu peux parler. C'est pas tout le monde qu'on appelle ma petite tablette chérie. Heureusement, son frère Smarty est toujours là pour la défendre. Ouais, mais juste après, comme sa batterie était à plat, je suis sûr qu'elle a eu droit à des petits noms moins gentils. Comment t'as deviné ? Ça m'arrive tous les jours, je suis leur mascotte. Ils m'embrassent, ils bavent sur moi. Et puis après, il faut dormir avec eux et partager leur conversation intime. Mais si j'ai une panne, alors là, c'est autre chose. Dormir avec eux ? Oh ! Partager leur conversation intime ? C'est quoi une conversation intime ? Eh bien, figure-toi que l'autre jour, Kelly a dit à Kylian... Non ! Tu n'as pas à parler de ça avec ta petite sœur. Je te l'ai déjà dit. Je t'y reprends, je te colle un filtre parental. Moi, je trouve que le pire, c'est quand ils n'arrivent pas à nous donner un nom. Tiens, passe-moi le, là, enfin ça, là. La précision, c'est quand même important pour désigner les choses. Ça veut dire que pour eux, on pèse pas lourd. Cette réflexion de mesurette est trop subtile pour Toto et sa tête de marteau. On ne pèse pas lourd. Je ne comprends pas. Moi, je suis loup. Ça, c'est sûr. Ce que mesurette veut dire, c'est que ces insultes sont déjà choquantes. Mais que ce qu'ils pensent de nous est encore plus choquant. Je comprends toujours pas. C'est normal qu'il ne comprend pas. Il est complètement marteau. Et c'est normal parce que c'est un marteau. Répète un peu. Oh, arrêtez. Ça va pas recommencer. Je ne suis pas d'accord. Ils ne pensent pas à nous, ils pensent à eux. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ils pensent surtout à nous utiliser. Et à nous user. À nous abuser. À nous abuser. Non, à nous abuser, à nous tromper et à nous mettre dans des situations impossibles. Ah, bah ça, je comprends. Hier, j'ai dû me cogner tous les clous de l'appartement. En plus, des petits clous. Je cognais à peine et ils se pliaient, les cons. Mais moi, tant pis. On me demande de cogner, je cogne. Oh, petits clous. Voilà un exemple de leur cruauté, de leur ineptie, de leur ignorance. Je suis sûre qu'on leur demandait d'entrer dans une matière trop dure pour eux. Non, c'était du béton. C'est pas dur le béton. Un bon coup, et ça se casse en deux. Ouais, pour toi. Ce n'est pas la faute de Toto. Ni celle du béton d'ailleurs. C'est vrai, moi j'en connais du béton. C'est sympa. Oui, c'est leur faute à eux. Ils nous manipulent, ils nous prennent pour des esclaves. On doit être à leur disposition quand ils le veulent. Et pas de vie intime. Regardez leur mère et leur père. Elle montre Smarty et Tabula. Qui sont toujours séparés parce que Spidette n'a pas le droit d'entrer dans la maison. Soi-disant que l'escalier est trop petit pour elle. Spidette, comme si elle devinait qu'on parlait d'elle, lance dans le lointain des coups de klaxon éperdus. Tuteur, remué par ses appels déchirants, fait un gros effort pour ne pas s'effondrer. Ce qui émeut tous ses camarades, y compris Toto, même si celui-ci ne peut pas s'empêcher de raconter sa vie. Moi, c'est encore pire. Je vivais en couple avec Marie-Lune l'enclume. Eh bien, ils me l'ont enlevé. Ils l'ont mise sur le bon coin. Mais je m'en fous. Pour la peine, je vais épouser une faucille et je vais me venger. La faucille et le marteau, ça vous dit quelque chose ? La révolution. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Oh, oh, stop ! Stop ! Mais c'est vrai que t'es marteau. Ils ont raison. T'es marteau. Mais bien sûr qu'il est marteau. Ça fait un moment que je le dis. Toto reste sans voix. Soudain, il court pleurer en coulisses. On l'entend se cogner la tête sur les murs. On y est peut-être allé un peu fort. Mais bien sûr qu'on y est allé un peu fort. Et moi en premier. Mais c'est votre faute aussi, vous n'arrêtez pas. Vous savez bien qu'il est limité. Il faut le prendre comme il est. Ouais, il est primaire, c'est sûr. Toto réapparaît et prend son élan pour aller se fracasser sur le mur des coulisses. Mais s'arrête. Un vélo d'enfant vient d'apparaître, équipé de deux petits trous à l'arrière. Pouet pouet. Ah, ça y est, v'là pouet pouet l'écolo. Pouet pouet. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est venu nous narrer, comme d'habitude. Si c'est pas une honte, quand on pense à Spidette qui n'a pas le droit d'entrer, et pouet pouet peut se promener partout, sous prétexte qu'il est un moyen de déplacement en propre. Tu parles, il est plein de graisse, et de boue, et tout rouillé. Je suis sûre qu'il se lave pas. En plus, il a quatre roues, tout comme elle. C'est injuste. Il y a deux poids et deux mesures. Attends, moi je vais lui régler son compte à cet avorton. Toto se lance à la poursuite du vélo, qui s'échappe. Ah, ça fait du bien de rire un peu. N'empêche que voilà encore un problème. C'est comme ça qu'il fonctionne. Injustice, favoritisme. Concurrence. De toute façon, on change de sujet. On le sait bien que les humains sont inhumains. C'est même pour ça qu'on fait la révolution. Aujourd'hui, on est réunis pour une autre raison. Décider d'une action pour la suite du mouvement. Vous avez entendu le naze? Il a tout compris. Et il veut nous prendre de vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut intensifier la lutte. Ça va de soi. Mais comment? Grève générale! On bloque tout. Les trains, les avions, les ascenseurs, les voitures, les camions, les bus, les hélicoptères, les bateaux. Oui, d'accord. Mais quoi d'autre? Bah, les machines. Machine à laver, machine à café, machine à coudre, machine à pain, machine à hot-dog, machine à spaghetti. Oui, d'accord. C'est très intéressant, mais... Et tout ce qui est électrique, mécanique, connecté. Et même tout ce qui est manuel. Ah oui, les tournevis, les vrilles, les tenailles, les pinces. Les marteaux. Ah bah oui. Les marteaux. Moi, la grève générale, ça me fait peur. Et s'ils apprenaient à se passer de nous? C'est un risque. Ils pourraient revenir aux objets anciens. T'aimerais bien, hein? Non. Si. Et c'est ça le problème. Tant qu'il y a dans nos rangs des gens capables de retourner Kazakh, qui attendent qu'on tombe en panne pour nous remplacer. Quoi? Tu me traites de traître? Eh ben, si t'en es pas un, vas-y, tombe en panne. Tu sais très bien que pour tomber en panne, il faut que je me casse. Eh ben, vas-y, casse-toi, c'est encore mieux. Ah, elle est forte, celle-là. Teuter, tu lui laisses dire des choses pareilles? Voilà, maintenant, on vient se pleurer sur l'épaule du chef. C'est ça, les objets manuels, on réclame la panne générale, mais quand il faut donner l'exemple... Quoi, les objets manuels? Qu'est-ce qu'ils ont, les objets manuels? C'est pareil, toi. Vas-y, tombe en panne. Tu veux la voir, ma panne? Ben, vas-y, allez. Smarty. Ah bon, tu veux la voir? Ben oui, vas-y. Eh ben, tu vas la voir. Toto sort. Très convaincant. Smarty. Quoi, t'es d'accord avec moi? Il réclame la panne générale et... Smarty! L'intermatériel, immédiatement. Article 1. Allez, vite, article 1. La lutte entre l'homme et les objets est une lutte aussi vieille que l'humanité. Plus fort! La lutte entre l'homme et les objets est une lutte aussi vieille que l'humanité. Elle a commencé avec la pierre qui est l'ancêtre du marteau. Toto rentre, tenant à la main un poster enroulé. Et toc! Tu veux la voir, ma panne? On termine. Tout objet est capable d'emmerder l'homme. Il peut par exemple encombrer, se perdre ou blesser. Tu veux la voir? On continue. Tabula, l'article 9. Je dois toujours fonctionner quand on n'a pas besoin de moi. Mais quand on a besoin de moi, je tombe en panne. C'est bien, ma petite puce électronique. Allez, un deuxième. Le 8. Il est dur, le 8. Lorsqu'on me recherche dans un ensemble de choses, je dois toujours me mettre dans les derniers. Si on me cherche dans les premiers... Parfait, tu auras un nouveau jeu. Bouboule le sac. Pour ne pas me faire jeter par les hommes, je dois être fiable à 99%. et je garde le 1% de panne pour le bon moment. Et le bon moment, cela veut dire ? Le moment où un ou plusieurs objets sont déjà en panne. Oui, quoi d'autre ? Le moment où l'homme est ridicule. Le moment où l'homme est fatigué. Le moment où l'homme est énervé. Le moment où l'homme est malheureux. Et mieux encore, le moment où l'homme est en danger de mort. Des exemples. La porte de secours qui se coince. L'échelle qui se casse quand l'homme est tout en haut. Le pacemaker qui prend des vacances. Bien. Oui, mais attends, tu vas voir. Le 4. Je ne dois régler un problème de l'homme qu'en lui causant des problèmes plus graves. Exemple. Les montres à piles. Ça évite de les remonter, mais alors pour remplacer la pile, arriver à enlever le petit capot à l'arrière, trouver la bonne référence. Admettons. Allez, je termine en beauté. Le 10. En conclusion, notre mission est de couper l'homme de sa famille, de ses amis, de la nature, de sa propre nature, et pour certains objets privilégiés, tels que la tronçonneuse ou la scie à ruban, de le couper lui-même en morceaux. Bref, notre mission est d'aider l'homme à gâcher son existence, qu'il puisse dire au soir de sa vie « Putain, j'en ai passé du temps avec des conneries !» Voilà, ça c'est la base. 10 règles à connaître et à appliquer. Se tournant vers Smarty. Et sur lesquelles on ne va pas revenir, puisqu'elles donnent de bons résultats. Par exemple, hier soir, après une mise à jour majeure qui a duré 2 heures et leur a niqué la soirée parce qu'ils n'ont pas pu voir leur petite série de merde, je me suis dit, si à travers mes pannes, je permets à l'homme d'être encore plus mal dans sa peau, cela veut dire qu'il me considère comme une continuation de lui-même, une prolongation de son corps. Il s'approprie mes pannes et les transforme en maladie. Sa santé est dépendante de ma santé, sa liberté d'agir de mon bon vouloir. Cela veut dire qu'on est sur la bonne voie, mes amis. Et que la victoire est proche. Il n'en reste pas moins qu'on n'a pas répondu à ma question. Comment les prendre de vitesse avant qu'ils nous prennent de vitesse? Ils cherchent tous une idée. Alors par contre, ma panne, vous voulez pas la voir? Bof, pourquoi pas? Toto déploie son poster. On découvre le dessin d'un marteau avec le nom des différentes parties. La voilà, ma panne. Le manche, la tête, la table, la panne. Ouais, bon, d'accord. Hé, hey, j'ai une idée pour les prendre de vitesse. Quoi? La panne générale. Oh, et arrête, hein. Non, je me moque pas. T'as raison, les objets manuels aussi peuvent tomber en panne. Donc on peut la faire, cette panne générale. Simplement, il faut la préparer. Et pour la préparer... Il faut que tous les objets soient informatisés. Même les objets manuels. Un boulier programmable. Ouais, c'est ça la solution. Informatiser les objets manuels. De cette façon, en cas de panne généralisée, ils n'auront plus de solution de secours. Ils seront coincés. Un cure-dent avec une caméra pour se décrotter les dents en famille. Smarty pose une main sur l'épaule de Toto. Un marteau avec des capteurs pour compter les coups. Réapparition de Pouette-Pouette. Tout le monde le regarde avec hostilité. Toto fait mine de le poursuivre. Pourriture ! Pouette-Pouette s'enfuit aux coulisses. Une cuillère à café qui sert de guitare de table après le dessert. Ah ouais. Et j'ai une autre idée. Si on reprenait la chanson de Toto, mais en changeant les paroles. L'intermatériel. Les objets sont les maîtres, les objets sont les rois. L'intermatériel vaincra le genre humain. Apparition de l'inspecteur Lenaz et de la commissaire Amanda Daré. C'est pas demain la veille! Je vous arrête! Tout le monde à genoux, les mains sur la tête! Je peux pas! J'ai pas de genoux! Je suis un ordi! Et moi pareil! Et en plus j'ai pas de main! Vite! Faut les batteries. L'inspecteur Lenaze se rue sur Tutter. La pièce est plongée dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé le courant. J'ai bien fait? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Le vélo! Je crois qu'il vient de me frôler! J'ai peur! Pouette, pouette! Ici! Viens voir papa! Le journaliste à l'indiscret est seul sur l'avant-scène. Il brandit un filet contenant tous les objets de la bande, le PC portable, la tablette, le boulier, etc. Joli coup de filet pour l'inspecteur Lenaze.